Leçon 11. Onzième leçon. Georges et Valérie sortent ensemble. Première partie, Georges Louvier parle. Je suis épuisé. Il y a toujours du travail dans un hôtel. Toujours quelque chose à faire. Toujours quelqu'un à servir. Et les clients ne sont jamais contents. Le personnel non plus, d'ailleurs. Tout le monde se plaint. Tantôt, c'est un client. Tantôt, c'est le cuisinier. Tantôt, c'est le veilleur de nuit. L'un vient me dire: mon lit n'est pas refait. L'autre vient se plaindre parce que sa chambre n'est pas propre.